Mais ça, je vais pas leur dire. Pour les clients SFR Family, et jusqu'au 27 mars, les forfaits Starter Mini 2h plus 100 mégas de vos enfants sont offerts pendant un an. Rendez-vous dans votre magasin SFR le plus proche. Offre soumise à condition, valable pour toute nouvelle souscription à un Starter Mini 2h plus 100 mégas Family avec un engagement 12 mois, puis 7,99€ par mois. Moi, pendant les vacances, je me lève à 6h pour faire mon running sur la plage. Après, gros petit-déj au bord de la piscine. Après, c'est 2h de balade. Et après, cours d'aquagym et encore après. Puis, ce sont les vacances de ceux qui ont des journées bien remplies. Mais aussi de ceux qui préfèrent vivre la nuit. Et de ceux qui aiment écouter les autres vivre la nuit. Pour ceux qui veulent vivre le jour comme la nuit, la semaine tout inclus en Club Marmara à partir de 549€. Plus d'informations sur tui.fr ou en agence de voyage. Tui, toutes vos envies d'ailleurs. Offre soumise à condition. Galaxy Radio vous souhaite un excellent début de week-end. Bienvenue si vous venez nous rejoindre. Il est 20h passé de 4 minutes. Et c'est Nico avec vous pour vous accompagner avec le mix et la section news de la semaine. J'ai avec moi une sélection d'une bonne quinzaine de nouveaux sons à vous faire découvrir sur cette prochaine heure. Alors qu'un site parmi donc la quantité presque astronomique des sorties qu'on peut trouver chaque semaine un peu partout. Puis comme on est sur Galaxy Radio, eh bien on essaye de vous dénicher les petites perles, hein, les étoiles qui brillent un peu plus que les autres dans ce ciel de son presque d'une autre galaxie. Oh là, comme c'est beau cette poésie. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et la poésie, elle va surtout arriver dans quelques minutes grâce à ces news que j'ai à vous proposer qui vont vous faire vibrer, voyager ou frissonner en tant que moi. En tout cas, je l'espère juste après ce petit jingle pour que je puisse rejoindre les platines. Et puis on commence cette sélection avec le tout dernier Lovebird. Alors ouvrez bien les oreilles, c'est parti pour la sélection Refresh en direct. La musique s'exprime, le DJ et sa voix. In the beginning there was Jack, and this is Refresh. We'll be right back. and it feels so good to me. Dernier James Curd, tweet, tweet, tweet. On se retrouve juste après la pub avec le WAP et le titre s'appelle Manuka. Et si on parlait des portes ouvertes Renault ? La French Touch a rendez-vous avec la technologie. Connectez-vous à Twingo avec son application dédiée RNGO pour une navigation encore plus techno. Twingo Limited est à partir de 99€ par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre pour Twingo Limited SE 70, location longue durée 49 mois, 40 000 km maximum, premier loyer de 1 500€, si acceptation par Diac SA. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 mars dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Soch présente. Allô ? Quoi de neuf, Bradley ? Je compte passer chez Soch. Et faire de la brioche ? Passer chez Soch. Te faire un cinoche ? Soch. Tu devrais plutôt passer chez Soch. Ils font une super promo en ce moment. Jusqu'au 26 mars, profitez du forfait 20 gigas à 9,99€ par mois pendant un an, puis 24,99€ par mois avec le code chez Soch. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses ? Rendez-vous sur soch.fr. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur soch.fr. En mars, le crossover suréquipé Nissan Qashqai N-Connecta est à partir de 289€ par mois, sans apport, sans condition, avec 4 ans d'entretien inclus. Et pendant les portes ouvertes du 17 au 19 mars, pour fêter les 10 ans du Nissan Qashqai, Nissan vous offre en plus 4 mensualités et un an d'extension de garantie. Avec un cadeau pareil, même nos mentions légales ont voulu marquer le coup. Pour Nissan Qashqai N-Connecta DIGT 115.9, LLD 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 31 mars chez les concessionnaires participants. Détails sur nissan-offre.fr. Nissan, innover autrement. Leclerc. Chérie, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 40% de réduction immédiate sur le kilo de café moulu carte noire. Quelque chose me dit qu'on va boire du café moulu carte noire. Attends, il est excellent et franchement à ce prix-là. Du 14 au 18 mars, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le lot de 4 paquets de 250 grammes de café moulu carte noire avec 40% de réduction immédiate est à 6,71€ après réduction. Voir modalités et magasins participants sur e-leclerc.com. Et vive les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chérie, quand t'auras fini de tondre la pelouse, je veux bien récupérer mes ciseaux de coiffeur. C'est le moment de vous acheter des outils de jardin Style et Viking. Du 15 mars au 15 mai 2017, c'est l'opération Tous au jardin chez votre revendeur Style et Viking. Jusqu'à 40€ remboursés sur des tondeuses et jusqu'à 60€ remboursés sur une sélection de produits parmi lesquels taille-haie, débroussailleuse et nettoyeur haute pression. Style, la performance est notre exigence. Pour connaître votre revendeur participant le plus proche, rendez-vous sur style.fr, voire conditions en magasin. Fan de foot ? La saison pro recommence chez Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. Au programme pour vous les pros, des offres de financement exceptionnelles. Et toujours 5 ans de garantie constructeur sur toute la gamme Nissan utilitaire pour jouer les prolongations. Fourgon, pick-up, châssis. Pour découvrir l'une des plus larges gammes d'utilitaires du marché, rendez-vous chez votre concessionnaire Nissan ou sur nissan-entreprise.fr. Garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf INV200. Modalité sur nissan.fr. Nissan, innover autrement. Galaxy Radio, on est ensemble jusque 21h pour la suite de cette sélection News Refresh. Tout de suite, on s'écoute Manuka, signé WAP. your body is mine. Your body is mine. Your body is mine. Only mix on Galaxy. La musique s'exprime, les t-shirts et sa voix. Now rise to your feet. The beat is not complicated. Simple. my voice. The beat is not choosing sides, it is voice. The beat will not tell you who to vote for, or where to live, or how to live. It just wants you to band. The beat will not define, will not question, will not deny, will not push. Bang the beat. Bang. Bang the beat. Bang the beat. Bang the beat. Bang the beat. Bang the beat. Bang the beat. Bang the beat. Bang the beat. The beat needs to be bad. No, not in sexual connotation, but it needs to be mad. Bang the beat. Bang the beat. Bang the beat. Now rise to your feet. Like Muhammad Ali, butterfly singing bee. Like Barack Obama, yes you can. Like freedom fighters, liberated. They all used to bang the beat. I mean your mother at some point used to bang the beat. Your father at some point used to bang the beat. It is the beat that shall unite us as a people and make us rise to our feet. We'll be right back. My my seat. Put my hips in. What do you say? Put my hips in. My seat is in. Put my hips in back to the my father's bitch. And my mouth is as well. What do they call me? And why my name is Sing? My father's bitch. My name is Sing. My name is Sam. What do they call you then? C'est déjà la fin de cette émission, il est 21h, j'espère que ça vous a plu. Vous pourrez retrouver le replay sur le site de la radio galaxyradio.fr. Et comme d'habitude, j'ai pas eu le temps de tout vous mettre. Donc il y aura encore un dernier titre juste après celui-ci qui s'appelle Larry de Cat, le Saint Sanson, clairement un très très bon titre à découvrir cette semaine. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis je vais laisser la place à nos amis de La Classique juste après cette émission. Samedi 1er avril, Galaxy Radio et Stéphane Wilson privatise l'âge de Zoo Club et vous invite à la première soirée Galaxy Vintage. Galaxy Vintage. Dans la grande salle, le son rétro house, trance et techno des années 90 sur les vinyles de John Sparks, Frank Biazzi, Quincy, SB et Will Turner. Dans la petite salle de l'âge de Zoo vous attend le son Galaxy d'aujourd'hui. Ouverture dès 23h. Plus d'infos sur l'événement, Facebook Galaxy Vintage et sur galaxyradio.fr pour tenter de gagner une tablette Samsung Galaxy Tab. L'âge de Zoo Club, situé à Pec en Belgique. Galaxy Vintage. Grand Lille TV. L'info locale. Chaque jour, dès votre réveil, nous sommes là pour vous donner les dernières nouvelles. La météo, le trafic. Tout ce qui fait votre quotidien. Près de chez vous. Là où se passe l'événement, là où se fait l'actualité. Grand Lille TV, TNT Canal 31 et sur toutes les boxes. Être au bout d'une aventure et se battre pour un nouveau destin. Explorer une île lointaine et avoir peur de ne jamais revenir. Décider une bonne fois pour toutes qu'on ne décide jamais de rien. Rire, suspense, toutes les émotions sont à Kinépolis. À l'affiche, Logan. Wolverine revient pour son ultime défi. Kong Skull Island, la légende de King Kong comme vous ne l'avez jamais vu. Et L'embarras du choix, la nouvelle comédie romantique avec Alexandra Lamy. Réservation sur kinépolis.fr. Kinépolis. Réinventons le cinéma. Chérie, quand t'auras fini de tondre la pelouse, je veux bien récupérer mes ciseaux de coiffeur. C'est le moment de vous acheter des outils de jardin Style et Viking. Du 15 mars au 15 mai 2017, c'est l'opération Tous au jardin chez votre revendeur Style et Viking. Jusqu'à 40€ remboursés sur des tondeuses et jusqu'à 60€ remboursés sur une sélection de produits parmi lesquels taille-haies, débroussailleuses et nettoyeurs haute pression. Style, la performance est notre exigence. Pour connaître votre revendeur participant le plus proche, rendez-vous sur style.fr, voire conditions en magasin. En mars, le crossover suréquipé Nissan Qashqai N-Connecta est à partir de 289€ par mois, sans apport, sans condition, avec 4 ans d'entretien inclus. Et pendant les portes ouvertes du 17 au 19 mars, pour fêter les 10 ans du Nissan Qashqai, Nissan vous offre en plus 4 mensualités et 1 an d'extension de garantie. Avec un cadeau pareil, même nos mentions légales ont voulu marquer le coup. Pour Nissan Qashqai N-Connecta DIGT 115.9 LLD 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 31 mars chez les concessionnaires participants. Détails sur nissan-offre.fr. Nissan, innover autrement. Pam-param. Tu l'as vu? Où? Oh non, c'est pas vrai, je l'ai encore raté. Ne laissez pas passer cette offre. Jusqu'à dimanche chez Darty, bénéficiez de 10 euros offerts en carte cadeau par tranche de 100 euros d'achat, même sur darty.com. Offre réservée aux adhérents au programme de fidélité Darty. Carte cadeau Darty limitée à 50 euros, utilisable en magasin du 2 mai au 18 juin. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Fan de foot? La saison pro recommence chez Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. Au programme pour vous les pros, des offres de financement exceptionnelles. Et toujours 5 ans de garantie constructeur sur toute la gamme Nissan utilitaire pour jouer les prolongations. Fourgon, pick-up, châssis. Pour découvrir l'une des plus larges gammes d'utilitaires du marché, rendez-vous chez votre concessionnaire Nissan ou sur nissan-entreprise.fr. Garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf INV 200. Modalité sur nissan.fr. Nissan, innover autrement. Only mix on Galaxy. La musique s'exprime, le DJ et sa voix. Wesh les potes, on est de retour après un week-end de ouf. Merci à tous d'avoir participé à notre 4e anniversaire. Nous, on s'est particulièrement régalé. Vous êtes bien dans l'émission de la classique sur Galaxy. Ce soir, c'est notre résident Mathis Lane aux commandes. Il va s'occuper de vous tout au long de la prochaine heure. Pour ceux qui l'ont déjà vu vendredi dernier au Magazine Club avec Dagji, Emeki et Colen, vous savez à quoi vous en tenir. Profitez bien.